Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et aujourd'hui dans ce mag, on vous emmène en pleine aventure, direction une chasse au trésor, pas comme les autres, organisée par le Pays Loire-Touraine. Un rendez-vous baptisé les Petits Explorateurs qui a transformé le village d'Épeigné-les-Bois en véritable terrain de jeu patrimonial. Et c'est un public bien précis qui était attendu ce mercredi 15 avril, des enfants de 6 à 12 ans prêts à résoudre des énigmes, découvrir le patrimoine local et surtout s'amuser en autonomie, mais toujours accompagnés. Pour nous raconter cette belle initiative, nous avons retrouvé sur place Camille Toulelant, chargée de la médiation patrimoniale au Pays Loire-Touraine. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste cette chasse au trésor des petits explorateurs ? C'est une découverte en famille des patrimoines d'Épeigné-les-Bois. L'idée, c'est de montrer que le patrimoine, c'est pas que les châteaux, c'est pas que les églises, mais ça peut être aussi, par exemple, des petits détails rigolos de décor sur une maison. Ça peut être un arbre très ancien, qu'il y a plein de choses à observer dans un village. Comment vous les avez imaginés, ces parcours ? Vous êtes venus tous ensemble, l'équipe du Pays Loire-Touraine, vous avez parcouru les ruelles et vous êtes dit, tiens, ça c'est le bon indice. Alors en général, les repérages, je les fais toutes seules. Là, exceptionnellement, pour Épeigné-les-Bois, on avait une équipe municipale qui était intéressé par le projet, donc on a fait un premier rendez-vous de préparation avec monsieur le maire. Et puis il y a aussi Clara, qui est l'animatrice de la microfolie d'Épeigné-les-Bois, avec qui on a pu en discuter. Mais en effet, il y a un temps de repérage qui est assez sympa. On se promène dans les rues et on essaie de trouver tous les petits détails rigolos qui pourraient intéresser les enfants. Alors tu viens d'évoquer un dispositif qui s'appelle microfolie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un équipement culturel, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs endroits en France. C'est un équipement numérique. L'idée, c'est en fait d'avoir de façon numérique un accès à des collections artistiques donc, qui sont dans des musées, mais des musées qui sont parfois loin, donc de pouvoir y avoir accès via ces équipements. Mmh. Et puis, ils ont aussi une politique, donc c'est un équipement de la communauté de communes autour de Chenonceau, et ils ont aussi une politique d'animation délocalisée, c'est-à-dire que l'animatrice se déplace beaucoup dans les écoles, dans les centres de loisirs pour avoir des animations culturelles, notamment principalement autour de l'histoire de l'art. Et ça peut venir compléter une chasse au trésor, par exemple ? Complètement. C'est vrai qu'eux, ils travaillent sur des collections qui sont plutôt nationales, alors que nous, au Pays d'Art et d'Histoire, on travaille vraiment sur le patrimoine local. Donc c'est complémentaire, oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement chouette à découvrir à Épeigné-les-Bois ? Alors, il y a plein de jolies maisons en tuffeau, ça c'est assez typique d'un village de Touraine, mais celui-là est particulièrement mignon, il y a une belle église. Ce qui est vraiment très chouette, ce qui fait un peu l'ADN aussi d'Épeigné-les-Bois, c'est un village qui a un label qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, et ça se ressent quand on se promène. Il y a notamment un super endroit à deux pas du centre-bourg, à deux pas de l'église, qui est un plan d'eau, avec un espace de jeu autour, une jolie balade à faire. C'est un endroit vert où on respire bien, on va dire. Cette chasse au trésor, pour revenir donc à l'objet de ce reportage, elle est ciblée pour les 6-12 ans. Il y en a beaucoup dans la programmation du Pays Loire-Touraine, c'est-à-dire que si on a raté celle-ci, on va en retrouver prochainement encore plein. Alors, on a des animations, en effet, pour les enfants, pour les familles, tout au long de l'année. Il faut savoir que les chasses au trésor, on en a fait une bonne trentaine maintenant dans les villages de notre territoire. Et en fait, toutes les fiches-jeux, on peut les télécharger gratuitement sur notre site internet. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis là pour accueillir les joueurs, mais n'importe qui peut aussi venir en famille ou par exemple avec sa classe, si on est un enseignant, faire un parcours en autonomie n'importe quel jour de l'année. Super, et ben on va se lancer à la recherche du fameux trésor et on se retrouve tout à l'heure, Camille, pour ouvrir le coffre. On va voir si vous réussissez le parcours, si vous trouvez le mot magique, là on pourra ouvrir le coffre au trésor. Bonne chance. Bon, le pari est lancé, c'est parti. Petit village de 400 habitants, Épeigné-les-Bois appartient à la région naturelle de la Gâtine de Montrésor. La commune est située à l'est du département d'Indre-et-Loire, en limite du Loir-et-Cher, à 12 km à l'est de Bléré. Elle offre un décor parfait pour une chasse au trésor, ruelle calme, patrimoine discret, nature omniprésente, un terrain idéal pour apprendre en s'amusant. Qu'est-ce que vous cherchez ? On cherche un indice pour faire des mots mystères. Qu'est-ce que tu cherches ? Des indices pour trouver un mot mystère. D'accord, et qu'est-ce que tu as trouvé comme indice jusque-là ? Il fallait trouver quoi ? Par exemple, des lettres sur une maison, quelle est la deuxième lettre qui a été écrite sur les trois? Il fallait trouver un numéro d'une maison sur une plaque. D'accord. Est-ce que ça te plaît de faire cette chasse au trésor? Oui. Qu'est-ce qui te plaît? En fait, qu'on trouve des endroits jolis et après, on va rechercher des indices et ça m'intéresse bien. Après, on va avoir un goûter. Une chasse au trésor qui a fait dépeigner les bois un véritable terrain d'aventure et un livre d'histoire à ciel ouvert. Car derrière les énigmes, ce sont aussi des lieux chargés d'histoire que les enfants ont découverts. Une mystérieuse grotte située sous l'église qui a intrigué autant qu'elle a fasciné. Le monument aux morts, témoin de la mémoire du village. Ou encore la mairie qui était autrefois une école de garçons. Un clin d'œil à la vie d'autrefois. Autant de petits détails qui ont raconté une grande histoire, celle du patrimoine local accessible à hauteur d'enfants. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Toute l'année, il est possible de partir en exploration en famille grâce aux fiches jeux des petits explorateurs disponibles gratuitement sur le site du Pays Loire-Touraine. Une manière simple, ludique et accessible de découvrir ou redécouvrir les communes qui nous entourent en s'amusant. Alors si vous avez envie de repartir à la recherche de nouveaux indices, pianotez vite www.paysloiretouraine.fr et faites-le plein de fiches jeux. C'est la fin de ce mag, merci d'avoir été avec nous sur Radioactive. À demain 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.